Monsieur. Quelle direction, mademoiselle? Le cimetière. S'il vous plaît. Où vont-ils ? Au cimetière. Lislotte était préoccupée et insouciante. Son père lui avait promis qu'il lui enverrait l'ange de musique. Son père lui avait promis. Son père lui avait promis.